je ne comprends pas. Moi, je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, aujourd'hui, le BDSM. Allez, frappe, vieille pute! Plus fort! Encore! Oui, comme ça! Plus fort! Oui! Je suis un porc! Je suis une ordure! Frappe! Salombière! Allez! Je suis pourri! Je suis lépreux! Encore! Connaissez-vous le BDSM? Bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme. Peut-être le pratiquez-vous. Peut-être en avez-vous vaguement entendu parler. Peut-être en avez-vous des a priori, ou au contraire, peut-être y voyez-vous le signe d'une sexualité libérée. Et maintenant, connaissez-vous le consentement? Pas seulement le fait de ne pas dire non, mais le concept de consentement, celui qu'on invoque pour distinguer le bon sexe du viol. Celui qui ne désigne pas que le fait d'être d'accord, d'accepter une demande ou d'acquiescer à une proposition quelconque. Peut-être en avez-vous aussi une intuition. Eh bien, imaginez qu'avec le BDSM, se profile la possibilité de comprendre clairement ce que le consentement signifie. Et même mieux, la sexualité égalitaire qui l'esquisse. Bonjour Manon Garcia. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université de Yale aux États-Unis. Vous êtes l'autrice de La conversation des sexes, philosophie du consentement tout juste paru aux éditions Flammarion. Vous êtes aussi l'autrice de On n'est pas soumise, on le devient, paru aussi aux éditions Flammarion. Quelle est la définition du BDSM ? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment impossible à définir, puisque c'est les gens qui font ce type de pratique qui décide exactement le champ de ces pratiques. Mais en fait, c'est un champ presque infini. Et donc, ce qui se joue, ce sont des rapports de pouvoir, des rapports de douleur, des jeux divers et variés. Mais il y a un vrai débat pour savoir si le BDSM est un ensemble de pratiques ou si c'est une identité. Il y a des gens pour qui c'est une identité, si c'est même une forme de thérapie ou si c'est un loisir. C'est intéressant, il y a des développements sociologiques qui défendent l'idée qu'il s'agit d'un loisir sérieux, qui est une catégorie sociologique, puisque le BDSM, ça implique d'acheter plein d'objets, de consacrer beaucoup de temps à connaître des choses, d'avoir une certaine forme de sociabilité, un peu comme si vous faites du surf, si vous voulez. Oui, il faut vraiment se mettre dans la pratique, voir quelle est la meilleure planche, où sont les meilleures vagues, qui peut vous initier. Voilà, le meilleur fouet. Mais c'est intéressant en fait parce que il y a une volonté de rendre le BDSM moins sulfureux d'une certaine manière. Et en même temps, et je pense qu'on va y revenir, il y a une tension très grande entre d'un côté la volonté de beaucoup de praticiens et praticiennes du BDSM de dire c'est pas sulfureux, c'est une activité comme une autre, etc. Et en même temps, au cœur même du BDSM, il y a l'intérêt de faire des choses sulfureuses. Donc on est pris entre le fait de normaliser cette pratique pour ne pas non plus l'interdire, c'est-à-dire aussi qu'il y a cette idée de justifier, de rentrer quand même dans une forme d'acceptabilité vis-à-vis de la société, et en même temps de préserver cette essence du BDSM. Le BDSM constitue un chapitre entier dans votre livre La conversation des sexes, mais aussi revient à plusieurs reprises dans votre livre. Pourquoi parler du BDSM? Pourquoi à travers le BDSM vous avez pu poser une question philosophique particulière, celle du consentement? Parce que, pour des raisons un peu évidentes, mais les praticiens et praticiennes du BDSM ont été les premiers et les premières à réfléchir sérieusement à cette question du consentement. Pourquoi ? Parce que dans le contexte du BDSM, le consentement est ce qui permet de faire le départ entre de la violence et du sexe. C'est très clair, puisque si vous voulez, si vous torturez quelqu'un, mais que c'est avec le consentement de cette personne et que c'est même cette personne qui veut ces actes qui... pour un observateur extérieur ressemblerait à de la torture, ben pour cette personne, ça n'est pas de la torture, c'est un jeu sexuel, mais tout ce qui permet ce changement de statut, c'est le consentement. Et du coup, la communauté BDSM a mis au point beaucoup de stratégies, de réflexions, etc. sur le consentement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est aussi l'histoire du BDSM. Le BDSM vient du sadomasochisme et donc a été pathologisé pendant très longtemps. À partir du 19e siècle, il y a une réflexion psychanalytique, médicale, sexologique, consistant à dire il y a cette unité bizarre qui est le sadomasochisme et c'est une déviance, en gros, c'est une anormalité. Et à partir des années, disons, 50-60, au moment du tout début du combat des gays et des lesbiennes pour la reconnaissance de leurs droits, il y a une intrication entre la pathologisation du sadomasochisme et le combat gay et lesbien, puisque il y a ce qu'on appelle la culture cuir, qui n'est justement pas cuir. Voilà, qui n'a rien à voir. Cuir, Q-U-E-E-R, là c'est vraiment cuir, le cuir. Voilà, le cuir, parce que dans la communauté gay et lesbienne de Chicago, on s'habille en cuir et on se fouette, et on a des clubs où on fait des pratiques BDSM, donc sadomaso, et en gros la pathologisation du BDSM est utilisée pour poursuivre les gays et les lesbiennes. Mais c'était une manière de renverser le stigmate à l'époque, c'est-à-dire, est-ce que c'était en fait une pratique qui était courante dans les milieux gays et lesbiens, mais en fait qui était dans n'importe quel milieu, mais c'est juste que ce milieu-là était beaucoup plus stigmatisé, donc en fait on le rendait visible et on essayait de stigmatiser cette communauté en disant, regardez, ils ont des pratiques violentes et déviantes, et ou alors est-ce que c'était une manière pour la culture gay et lesbienne de se revendiquer comme sous-culture, contre-culture également, et de dire, regardez, nous renversons le stigmate, vous nous dites que nous sommes déviants, nous allons avoir des pratiques qui ne ressemblent pas à vos pratiques sexuelles. Je pense que c'est indéniablement un petit peu des deux, mais que ce qui est intéressant, c'est que les gays et les lesbiennes qui étaient dans des clubs queer à San Francisco n'avaient pas l'intention de dire le BDSM, c'est comme ça que les gens devraient vivre. Et puis c'était d'ailleurs une partie minoritaire de la communauté gay et lesbienne. Mais ils ont été la cible d'attaques continues sous l'angle du BDSM et sous l'angle du fait que c'était vraiment la preuve que ces gens-là étaient fous, etc. Et donc Gail Robin, qui est une penseuse lesbienne qui travaille beaucoup sur le BDSM, montre que il y a cette idée d'une menace queer qui permet de lutter contre le droit des gays et des lesbiennes de vivre en paix. Et donc ça a évidemment eu un très grand rôle, parce que du coup, ces gays et ces lesbiennes ont développé une théorisation de ce qui se passait dans leur communauté, et d'expliquer que, en fait, ce qui se jouait pour eux, à travers le BDSM, c'était de subvertir les rapports de pouvoir et les normes de genre, et que quand ce sont par exemple deux femmes qui jouent une à la dominante, l'autre à la soumise, etc., elles jouent avec les normes du patriarcat. Et ça a créé ce qu'on a appelé les sex wars aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment une polarisation du débat, notamment chez les lesbiennes féministes, entre d'un côté des antisexes, ce qu'on a appelé les antisexes, donc des féministes radicales qui disaient non mais on peut pas trouver que le patriarcat c'est sexy, et on peut pas s'en amuser et en jouer ou érotiser ou mimer ces rapports là. Voilà. Et d'un autre côté des lesbiennes qui étaient du coup qui ont dit bah nous notre solidarité elle est plutôt avec les gays de la communauté queer que avec les féministes, et ce qu'on vous dit c'est que vous avez tort et que nous à travers ces pratiques on remet en cause le patriarcat. Voilà. Donc on va voir, en fait, c'est toutes les ambiguïtés, en fait, aussi, à la fois du BDSM et du coup du consentement, c'est-à-dire, en fait, quand on est consentant, est-ce qu'on accepte, en fait, de rejouer volontairement des normes patriarcales en se disant « d'accord, je suis d'accord, mais en fait, comme je suis d'accord, je peux aussi m'en mettre à l'écart et peut-être les retourner, ou alors je suis d'accord et, en fait, je ne sais pas vraiment à quoi je dis oui, et du coup, en fait, je rejoue un peu malgré moi ces normes », c'est un petit peu ce dont on va parler durant les 50 minutes qui arrivent, mais je vous propose tout de suite, Manon Garcia, d'écouter la voix de Deleuze, de Gilles Deleuze, qui nous parle justement du sadomasochisme. Le nom de masochisme vient de Sacher Masoch, qui vécut en Galicie dans la seconde moitié du 19e siècle et qui écrivit une œuvre fort étrange et importante. Le masochisme est connu comme une perversion. Le sujet masochiste cherche, réclame la douleur et il en tire un plaisir sexuel. Rien ne paraît plus mystérieux qu'une telle association plaisir sexuel-douleur. Toutefois, tant que nous définissons ainsi le masochisme, nous considérons seulement son contenu et encore son simple contenu apparent. Outre le contenu apparent, il y a des conditions formelles aptes à définir le masochisme. La première, c'est que la douleur doit apparaître comme une punition. La seconde condition est l'attitude passive sous laquelle la douleur est non seulement reçue, mais attendue. Le troisième caractère formel, c'est l'importance que tend à prendre dans le masochisme les fantaisies de l'imagination ou les fantasmes de rêverie. Précisément parce que le masochiste a, en quelque sorte, aliéné sa propre activité. Il gagne en imagination ce qu'il perd en action. Il demande à son partenaire actif de se soumettre à un scénario imaginaire ou d'observer toutes les règles d'un fantasme hors duquel le masochiste n'aurait pas de plaisir. C'était donc la voix de Gilles Deleuze dans une archive du 25 juin 1975, recherche de notre temps sur France Culture. Alors il y a trois grands axes, on peut dire, Manon Garcia, dans cette archive. C'est d'abord le fait d'associer, de définir le sadomasochisme par cette association paradoxale entre douleur et plaisir, et plus précisément entre plaisir et punition. Cette idée aussi de passivité, d'être finalement actif dans cet accord pour être passif. Et puis aussi ce troisième paradoxe, troisième axe, qui est l'imagination opposée à l'action. Ce que le masochiste perd en action, il le gagne en imagination. Et on voit bien déjà que si on s'intéresse au BDSM, pour traiter déjà du cas paradoxal du consentement, il faut déjà se dire que le BDSM en tant que tel est un petit laboratoire du consentement avec tous ces paradoxes-là. Oui, parce qu'en fait, ce que Deleuze aussi sous-entend, c'est qu'il y a une tension très grande entre le sadisme et le masochisme. C'est que vous entendez bien dans cet extrait que Deleuze dit « le masochiste demande ». Et en fait, si le masochiste demande, c'est que c'est depuis sa position de soumission qu'il est dans une forme paradoxale de pouvoir sur la personne qui va le torturer, etc. C'est que c'est lui qui dit ce qu'il veut. Alors qu'évidemment, le sadiste, il ne veut pas du tout qu'on lui dise ce qu'on veut. Et surtout, de préférence, il voudrait qu'on profite pas des tortures qu'il inflige. Si vous lisez Sade, il n'a pas du tout envie. Si sa victime dit « Ah oui, c'est extraordinaire. Ah oui, continue, c'est super. » Ça casse ça tout le... Tout. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec l'idée même de sadomasochisme. C'est que ça marche pas, en fait. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas un couple stable. Et du coup, il y a une instabilité inhérente au BDSM qui est d'un côté la violence du sadisme et de l'autre côté le pouvoir du soumis dans le masochisme. Mais alors par rapport à cette idée de paradoxe entre imagination et action, entre passivité et activité, entre douleur et punition, on peut aussi se dire que là apparaît clairement cette incompréhension ou cet étonnement qui est comment en fait on peut consentir à un moment donné à ne plus consentir par la suite. C'est véritablement c'est quelque chose que peut-être presque une aberration. Oui, alors moi, c'est une question sur laquelle je viens de passer les 10 dernières années, donc je la trouve. Oui, parce qu'il y a effet. Aussi votre livre précédent, On n'est pas soumise, on le devient. Oui, parce qu'au fond, c'est ça la question fondamentale de la soumission, c'est comment comprendre que l'on puisse choisir, vouloir, ne pas choisir, ne pas vouloir. Et c'est vraiment, moi, c'est une espèce de mur contre lequel je ne cesse de me heurter, que j'essaye de prendre avec plein de perspectives différentes. Et je crois que dans le BDSM, ce qui est intéressant, c'est justement la façon dont ce consentement se pose et de se demander est-ce que comment on consent à ce qu'on nous fasse des choses. Qu'est-ce que ça veut dire de consentir à vouloir ne pas consentir, de consentir à vouloir être une victime? Parce que en fait, il y a des cas limites. En fait, aujourd'hui, on voit dans la communauté BDSM elle-même qu'il y a des pratiques, ce qu'ils appellent des scènes où le consentement est donné a priori, donc où on peut pas revenir sur son consentement, précisément parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur demande tout le jeu et qu'on ne leur demande pas leur avis. Donc comment on fait avec ce désir d'être un objet pour l'autre? Et vous voyez bien, si vous lisez les grands romans sadomasochistes comme Histoire d'eau, vous voyez bien que tout l'érotisme, c'est que elle n'est à aucun moment voix au chapitre. Et c'est d'ailleurs un érotisme qui n'est pas évident pour tout le monde. Et alors, est-ce que la question se pose véritablement, en fait, du point de vue du... Enfin, est-ce que le terme de consentement, en fait, est le bon? C'est-à-dire que vous le démontrez très bien dans votre livre, Manon Garcia. En fait, c'est plus qu'un terme, c'est plus qu'une notion, c'est véritablement un concept, parce qu'il y a une polysémie du terme, il y a une polysémie de situation. Mais dans le terme consentir, je reviens juste au terme, il y a quand même cette idée d'être d'accord. Mais c'est comme un petit oui. Vous voyez, le consentement, c'est jamais un grand oui enthousiaste. Oui, faisons l'amour, je suis ravie, je n'attends que ça. On dit plutôt, en général, les trois quarts des cas, les trois quarts des cas, je sais pas, mais il y a beaucoup de fois où on n'a pas ce oui enthousiaste, mais en fait, il y a plutôt un oui, d'accord, pourquoi pas. Même parfois, on ne dit pas oui, on ne dit pas d'accord, on le fait d'ailleurs, c'est plutôt ça en général ce qui se passe, on passe à l'action. Dans le consentement, il y a donc quelque chose qui est presque effacé en creux dans l'accord. Pourquoi on ne parle pas plutôt de volonté? Pourquoi par exemple dans le cas de la sexualité, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que soulève le cas du BDSM, les participants s'engagent, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat. Donc là, il y a quelque chose de volontaire, d'engagé et de très explicite, alors que le consentement est presque en creux. Oui, alors, il se trouve que à cause du contexte dont je vous parlais de persécution de la communauté queer, il y a eu un désir de justifier les pratiques BDSM par ce qu'on peut qualifier d'un argument libertarien, c'est-à-dire de dire au fond, vous voyez une certaine lecture de John Stuart Mill disant, vous voyez bien, John Stuart Mill nous dit que l'État n'a rien à dire sur ce qui se passe entre adultes consentants. Donc c'est un philosophe anglo-saxon qui est un grand penseur de la liberté et surtout qui a pensé le contrat de la société en termes de propriété et de liberté individuelle. Voilà, et qui dit qu'il y a un problème, un risque de tyrannie de la majorité quand l'État se mêle de tout et que par ailleurs, chaque individu, c'est très important d'avoir le droit de décider pour soi-même comment on veut mener sa vie humaine et que, par conséquent, il doit y avoir des limites à ce que l'État, à ce sur quoi l'État peut intervenir. Et qu'une des limites, qu'il explique très clairement dans son livre de la liberté, c'est toutes les relations qui se produisent entre adultes consentants et n'ont pas d'impact sur les autres gens. Et un des arguments a été de dire, ben vous voyez, nous, dans le BDSM, ce qu'on fait, c'est des choses qui se passent entre adultes consentants, et par conséquent, vous n'avez rien à en dire, et pour le formaliser d'une certaine manière, il y a eu une tendance au recours au contrat, avec cette idée que le contrat, c'est ce qui montre le plus clairement possible qu'il y a consentement. Alors que c'est paradoxal, parce qu'en réalité, en utilisant ce vocabulaire du contrat et du consentement, les praticiens du BDSM utilisent deux traditions qui n'ont rien à voir. Une première qui est la tradition érotique du contrat chez Sacher Masoch, qui est en fait une tradition un peu de littérature érotique. C'est que le contrat, c'est le meilleur moyen d'écrire tous les délices qu'on espère des tortures qui vont nous être infligées. Donc ça, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec un contrat au sens juridique. C'est éventuellement pour... Une sorte de cahier des charges. Oui, c'est un cahier des charges, mais c'est aussi une érotisation du pouvoir, parce qu'on se dit, ah oui, si on a un contrat, on ne pourra pas revenir dessus. Mais là, c'est la même manière, c'est une sorte de théâtralisation de l'acte sexuel en prenant, en fait, en jouant, en rejouant des instances de pouvoir, des symboles de pouvoir. Voilà, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand vous jouez à la marchande et que vous payez avec des faux billets. Bon, ben là, on pour jouer à la dominatrice et au dominé et au soumis, eh bien, on fait des faux contrats sur des faux papiers et en plus, on met des termes particulièrement excitants, etc. Juridique. Voilà. Mais c'est de l'ordre du jeu, en fait. C'est de l'ordre de la littérature érotique et du jeu. Et d'un autre côté, il y a cette tradition juridique du contrat en droit civil, dans lequel le consentement fonctionne comme une autorisation et comme une légitimation d'une relation entre deux personnes qui est contractualisée. Et donc, en fait, il y a eu, dans la tradition américaine du BDSM, la volonté de réutiliser cette littérature érotique du contrat pour la faire rentrer. Mais c'est une stratégie, en fait, politique. C'est juste pour qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de les envoyer en prison. Ils se sont mis à faire des contrats qui avaient l'air de contrats, même s'ils n'ont aucune valeur juridique. Alors, on va écouter, puisque vous en avez parlé, Manon Garcia, un type de contrat façon Sacha Mazoch. Et juste après, on va entendre un type de contrat plus contemporain. C'est celui qu'on entend dans le film Fifty Shades of Grey. Mon esclave, les conditions sous lesquelles je vous accepte comme esclave et vous souffre à mes côtés sont les suivantes. Renonciation tout à fait absolue à votre moi. Hors la mienne, vous n'avez plus de volonté. Vous êtes, entre mes mains, un instrument aveugle qui accomplit tous mes ordres sans les discuter. Au cas où vous oublieriez que vous êtes mon esclave et où vous ne m'obéiriez pas en toute chose absolument, j'aurai le droit de vous punir et de vous corriger selon mon bon plaisir, sans que vous puissiez oser vous plaindre. Tout ce que je vous accorderai d'agréable et d'heureux sera une grâce de ma part, et vous ne devrez ainsi l'accueillir qu'en me remerciant. À votre égard, j'agirai toujours sans faute, et je n'aurai aucun devoir. Vous ne serez ni un fils, ni un frère, ni un ami. Vous ne serez ainsi rien que mon esclave gisant dans la poussière. De même que votre corps, votre âme m'appartient aussi. Et même s'il vous arrivait d'en souffrir beaucoup, vous devrez soumettre à mon autorité vos sensations et sentiments. La plus grande cruauté m'est permise, et si je vous mutile, il vous faudra le supporter sans plainte. Vous devrez travailler pour moi comme un esclave, et si je nage dans le superflu en vous laissant dans les privations et en vous foulant aux pieds, il vous faudra baiser sans murmurer le pied qui vous aura foulé. S'il vous arrivait de ne plus pouvoir supporter ma domination et que vos chaînes vous deviennent trop lourdes, il vous faudra vous tuer. Je ne vous rendrai jamais la liberté. Ça, c'est la version du contrat 19e siècle, Sacha Mazoch, restitué par Gilles Deleuze dans les appendices de présentation de Sacha Mazoch, Le Froid et Le Cruel. Maintenant, on va entendre la version 2012. Alors, c'est un extrait du film Fifty Shades of Grey, donc le film de Sam Taylor Johnson. Et donc là, c'est vraiment la version 2012, extrait du roman de E.L. James, donc 2012. Modalité du contrat liant les deux parties ci-après dénommées le dominant et la soumise. L'objectif fondamental de ce contrat est de permettre à la soumise d'explorer sa sensualité et ses limites sans danger. Le dominant et la soumise sont convenus et reconnaissent que tout ce qui aura lieu dans le cadre de ce contrat sera consensuel, confidentiel et sujet aux limites et mesures de sécurité définies par ce contrat. La soumise se soumettra à toute activité sexuelle estimée opportune et agréable par le dominant, à l'exception des activités figurant dans la liste des limites à ne pas franchir. La soumise s'assurera de prendre une contraception orale prescrite par un médecin choisi par le dominant. La soumise n'aura pas de relation sexuelle avec un autre que le dominant. La soumise ménagera sa santé et son bien-être en mangeant régulièrement les aliments prescrits. La soumise n'abusera pas de l'alcool, ne fumera pas, ne prendra pas de drogue. La soumise se conduira toujours de façon respectueuse envers le dominant et l'appellera uniquement « monsieur », « monsieur Gray » ou tout autre titre souhaité par le dominant. La soumise ne touchera pas le dominant sans y être expressément autorisée. Le mot d'alerte jaune sera utilisé pour signaler au dominant que la soumise approche la limite de son endurance. Lorsque le mot d'alerte rouge sera prononcé, l'action du dominant cessera complètement et immédiatement. La soumise consent-elle à être immobilisée, les mains attachées devant ? La soumise consent-elle à avoir les yeux bandés ? La soumise consent-elle à être bâillonnée ? Quel degré de douleur la soumise est-elle prête à subir ? Mais qu'il est long ce contrat de 50 Shades of Grey, donc adapté du roman de E.L. James qui date de 2012. J'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant en termes de sadomasochisme, mais c'est vrai qu'il y a une véritable différence, en tout cas littéraire, entre Sacha Masoch et la 50 Shades of Grey. Et il y a aussi évidemment des distinctions à faire, puisque dans le cas de Sacha Masoch, du contrat de Sacha Masoch, on a vraiment Sacha Masoch qui écrit ce contrat, qui le rédige, il n'y a pas de durée, il n'y a pas d'exigence hygiéniste, alors que là, maintenant, on a véritablement, dans les années 2010, un contrat qui ressemble véritablement à un contrat aussi aseptisé qu'un contrat juridique. Oui, alors bon, moi je pourrais, je trouve ça passionnant la différence entre ces deux contrats, donc je pourrais vraiment y passer 2 heures. Allez-y. Donc je vais essayer d'aller vite. Non, mais évidemment que la première différence immense, c'est que dans un cas, c'est Sacha Masoch qui écrit pour sa maîtresse ce qu'il faudrait qu'elle dise en première personne. Donc en fait, lui, c'est ça qui lui plaît, c'est qu'elle lui dise « je serai impitoyable vis-à-vis de vous », mais c'est lui, vous, donc c'est lui qui écrit tout, c'est lui, c'est pour lui en fait. Oui, c'est, puis tout il est va pour vraiment son plaisir. Un esclave gisant dans la poussière, enfin il en fait des tonnes là, c'est-à-dire que tout est pensé, presque même dans l'imaginaire, dans la visualisation. On retrouve d'ailleurs ce que disait Gilles Deleuze sur ce qu'on perd en action, on va le gagner en imagination. Voilà, mais on voit que lui, il a dû passer des heures à rédiger ce contrat, se dire « Oh, ça va être super !» et tout. Et donc, il y a un côté ludique, plaisant, littéraire, etc. Et de l'autre côté, vous avez le contrat de 50 Shades, qui est vraiment déprimant, qui est écrit par celui qui veut la dominer. Et ils font tout le processus un peu de ce qu'on voit dans les films américains. C'est-à-dire que vraiment, il lui met le contrat dans une enveloppe, comme quand on voit dans les séries américaines et qu'on vous dit « You've been served ». C'est vraiment pour faire pareil... toute une espèce de rituel éminemment juridique, alors que Masoch, ça l'intéresse pas du tout le juridique. Et c'est lui qui écrit, donc c'est le dominant qui écrit. Et on voit que ce contrat est un contrat de domination hygiéniste. Il faut qu'elle prenne une contraception orale, il faut qu'elle fasse un régime. Dans qu'elle le ne livre, boive pas d'alcool, qu'elle n'ait pas d'autres rapports sexuels. Voilà, dans le livre, il y a plein d'autres éléments. Par exemple, elle doit être parfaitement épilée à chaque instant, il faut qu'elle n'ait jamais aucun poil. Donc vous voyez là comment le contrat sadomasochiste... On n'est pas dans les sex wars et la communauté queer. On est dans un truc extrêmement hétéronormatif, hygiéniste, libéral, ultralibéral d'une certaine manière, libertarien, où l'idée c'est une contractualisation sans aucun érotisme pour dire, au fond. On voit bien que ce à quoi ça sert, c'est pour dire c'est elle qui a bien voulu. Donc moi, certes, je la torture. Vous voulez dire que c'est comme ces notices de micro-ondes qui énumèrent tous les cas de figure pour se prémunir d'un procès. Finalement, c'est juste une valeur de justification plutôt que de plaisir. On a plutôt le côté érotique et plaisir de Sacha Masoch. Voilà, il y a ça. C'est comme quand on vous dit de ne pas mettre votre chat dans votre micro-ondes. Voilà. Mais c'est aussi une espèce d'idée en creux de à quoi ressemble une vraie femme. Une vraie femme, c'est celle à qui on propose et qui signe. C'est pas celle qui propose. Elle peut simplement avoir des mots d'alerte. On va revenir sur cette idée du safe word ou du mot d'alerte. Mais elle ne peut en fait qu'interrompre ce qui est en train de se passer. Mais à aucun moment, elle ne peut dire son désir, dire son plaisir. Et donc là, on a vraiment l'impression que le consentement est minimal et enlevé de, et dénué de tout ce qu'il peut avoir normalement d'intéressant sur le plan moral. Mais en fait, dans les deux cas, c'est, que ce soit le contrat du 19e siècle ou le contrat des années 2010, on se demande à quoi servent ces contrats. Alors certes, dans le cas du 19e siècle, on a une valeur érotique, littéraire, théâtrale. Là, on a plus une valeur pseudo-juridique. Mais pseudo-juridique, ça veut dire qu'en fait, ces deux types de contrats n'ont véritablement aucun intérêt en termes de consentement. C'est-à-dire que le consentement, en fait, n'est qu'une sorte de, ne peut pas être, comment dire, validé par ce contrat. D'où cette question qui est, à quoi sert un contrat pour signifier son consentement? De quelle manière on pourrait exprimer, en fait, son consentement sous une autre forme que le contrat, puisque celui-ci, en fait, n'a aucune valeur? Et d'ailleurs, peut-on véritablement exprimer son consentement? Oui, alors, il faut quand même dire, c'est très important, que les praticiens et praticiennes de la communauté BDSM ont été effarés par le contrat de Fifty Shades of Grey, en disant, ça reprend... Mais je pense que même ceux qui ne sont pas adeptes du BDSM sont effarés. Oui, mais ce qui est compliqué pour les adeptes du BDSM, c'est qu'après avoir passé des décennies à être pathologisés et à apparaître comme des déviants, maintenant, on les fait passer pour le truc le plus hétéronormatif, le pire de ce qu'on peut imaginer. Ça semble vraiment être un remède à l'amour, quand même, ce contrat. Et un remède au plaisir, et un remède au désir. Donc, ce qu'ont montré ces praticiens et ces praticiennes, c'est qu'on avait pris des éléments de ce qu'ils faisaient, mais en les détournant de leur esprit. Et je pense qu'effectivement, dans la communauté BDSM, il y a une prise en compte du fait que le consentement s'exprime à plusieurs niveaux. Et que leur recours au contrat, c'est pour formaliser la négociation antérieure à ce qu'on appelle une scène dans le BDSM, c'est-à-dire à ce qui va se passer ensuite entre deux personnes, parce que l'idée, c'est que si vous voulez pouvoir être vraiment soumis, il faut que vous n'ayez pas voix au chapitre pendant la scène, et que, en fait, pour créer des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir ne pas avoir voix au chapitre, mais sans qu'on vous fasse des choses que vous ne voulez vraiment pas qu'on vous fasse, eh bien, vous déplacez le temps de la discussion en amont. Mais c'est conçu comme un déplacement de ce qui est le temps normal de la discussion. Donc finalement, ils sont tout à fait conscients, ces praticiens, que dans le sexe normal qui n'est pas au sens de statistiquement normal, donc ce qu'ils appellent le sexe vanille, hein, pour dire que c'est comme la glace vanille, c'est un peu ce banal, que tout le monde demande chez le glacier et n'essaye pas des nouvelles saveurs, dans le sexe vanille, ils considèrent que cette négociation, elle peut avoir lieu au sein de la relation sexuelle elle-même, mais simplement quand la relation sexuelle, ce que vous trouvez érotique, c'est qu'il n'y ait pas de discussion, eh bien, il faut que la discussion, elle ait lieu en amont. Mais ensuite, donc c'est pour ça qu'il y a une forme de contrat, c'est pour dire, voilà, quelles sont les limites, en fait, de ce qu'on va pouvoir faire. Mais dans un deuxième temps, il y a aussi une réflexion au sein de la communauté BDSM sur le consentement profond, comment on voit pendant la scène s'il y a consentement. Et donc ils ont mis en place ces mots d'alerte, hein, auxquels le consentement de Fifty Shades fait référence, c'est-à-dire l'idée qu'on va prendre des mots qui vont permettre à la personne qui est soumise de dire non, là ça va trop loin pour moi. Et comme elle ne peut pas dire non, puisque le non fait partie du jeu du soumis, il faut trouver autre chose. Donc là, par exemple, dans le contrat de Fifty Shades of Grey, c'est jaune. Voilà, mais parce que si vous dites j'ai mal, arrête, ben justement, j'ai mal, arrête, ça fait partie continue. Du truc, c'est super, ça veut dire, dans ce contexte-là, ça veut dire continue. Donc vous pouvez faire un truc pas très marrant qui est de dire jaune, rouge, mais vous pouvez aussi dire cerise, réfrigérateur, on va choisir à l'avance des mots qui n'ont aucune chance de sortir dans cette scène normalement. Mais finalement, quand vous parlez de discussion, Manon Garcia, qui a lieu avant l'acte, en fait, ça revient, on en revient en fait à votre thèse qui est quand même, et qui est le titre de votre livre. En fait, finalement, ce qui compte, c'est la conversation. La formalisation sous forme de contrat, en fait, c'est juste presque de l'appareillage, du décor, du décorum, quoi. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est véritablement l'échange. Mais j'en reviens à ma question, comment on exprime véritablement son consentement? Déjà, parce que est-ce qu'on est toujours sûr d'être consentant? Et aussi parce que, comme je l'ai dit au début, le consentement se distingue un petit peu d'un oui franc haut comme celui de la volonté. Oui, mais parce qu'en réalité, dans ce contexte-là précis, le consentement est conçu comme il l'est en droit. En droit, le consentement veut dire choix. Il ne veut pas dire acceptation. Elle veut dire que deux personnes égales choisissent ensemble ce qu'elles veulent au cours d'une négociation. Donc en droit civil notamment. Et du coup, dans ce cas-là, quand le BDSM contractualise ce qui va se passer, il y a consentement au sens où il y a discussion. Mais évidemment que souvent, on conçoit le consentement comme le fait de céder à ce que quelqu'un d'autre essaye de nous imposer. Et ça, ça vient du fait qu'en France en particulier, et là on est vraiment dans une situation très spécifique qui n'est pas du tout la même que celle que vous allez avoir aux États-Unis, on hérite de deux traditions du consentement. Vous avez la tradition libérale dont on vient de parler, qui est manifestée dans le droit aujourd'hui, qui est que le consentement est ce qui se passe entre deux personnes égales lorsqu'elles font des choix sur leur relation et que, par exemple, on donne des permissions. Donc, par exemple, si je vous dis, Géraldine, je consens à vous prêter ma bicyclette ou mon vélo, ma voiture, vous pouvez du coup prendre mon vélo sans que vous me le voliez. Donc là, l'idée, c'est que le consentement génère des permissions. Mais on a une autre tradition de pensée du consentement en France en particulier, qui est le consentement dans la galanterie à la française, et qui est cette idée que le consentement ne concerne que les femmes, et que c'est ce que les femmes font dans l'amour et dans le sexe face aux assauts masculins. Et alors là, on retrouve l'idée d'ailleurs que qui ne dit mot consent. Voilà. On a un consent presque en effacé. Voilà, c'est un consent, c'est un non qui ne veut pas vraiment dire non. Parce que c'est ce que dit Rousseau, c'est même pas un oui, c'est même pas une absence de mots, c'est dire non, mais un peu moins fermement que quand on veut vraiment dire mollement. Non. Voilà, mollement. Et que là, l'homme est censé être capable de déceler dans le nom de la femme que ce nom-là, il veut dire oui. On voit les conséquences catastrophiques que ça peut avoir, hein, mais du coup, là, on hérite de cette tradition du consentement amoureux et sexuel comme le fait de céder, comme l'homme propose et la femme dispose, comme l'homme chasseur et la femme proie. Donc c'est ces deux traditions vraiment différentes, une tradition où on part de l'égalité, une tradition où on part d'une guerre inégale des sexes qui s'oppose violemment, qui rentre en opposition l'une avec l'autre au sein du concept de consentement. Et c'est pour ça que c'est vraiment un concept. C'est parce qu'il a une généalogie, parce qu'il a différentes positions idéologiques au sein de ce concept. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant dans le BDSM, c'est que vous avez cette tradition libérale et qu'en même temps, ce qu'on entend dans le contrat de Fifty Shades of Grey, c'est qu'il y a des normes de genre et qu'elles sont extrêmement puissantes. Et notamment lorsque contrat ou la relation n'est pas courte, ne dure pas deux heures où on se fait plein de trucs, etc., mais dure plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et il y a au sein du BDSM cette distinction entre, dans la très grande majorité des cas, des relations courtes sous la forme de scènes de jeu, comme on appelle ça, et d'un autre côté, des relations qu'on appelle les relations maître-esclave, qui sont des relations beaucoup plus longues, où le maître et l'esclave généralement vivent ensemble, et là, dans l'immense majorité des cas, ce sont des relations hétérosexuelles, où le maître est un homme, l'esclave est une femme, et où la distinction entre jeu sexuel et patriarcat à son paroxysme est très difficile à opérer. Je suis passée progressivement du rôle de soumise au rôle de dominatrice. C'est pas un jour où je me suis dit « Bon, bah ça suffit, j'en ai assez d'être soumise, je vais être dominatrice. » Non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Ça s'est passé par l'intermédiaire d'un jeune dominateur, dont je parle d'ailleurs dans Alain, qui était dans la grande admiration d'ailleurs de mon mari, qui était un de ses disciples. Et c'est lui qui, un jour, a eu envie de renverser les autres, les rôles. C'est-à-dire que lui était un jeune dominateur, et puis un jour, il a eu envie d'être soumis. Mais j'étais à son service, hein. C'est-à-dire que je savais ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Donc j'étais à son service. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai envie de voler de mes propres ailes. Donc ça s'est fait progressivement. J'ai pris conscience que j'avais envie de changer de rôle. C'était la voix de Catherine Robbe-Grier, donc femme de lettres et maîtresse de cérémonie SM. Donc c'était dans une archive du 4 novembre 2012, le tête-à-tête sur France Inter. Alors ce qui est intéressant avec cette archive, déjà c'est quand même cette sorte de d'aisance en fait à énoncer ce passage de catégorie de soumise à dominée, alors que c'est quand même un sujet que maintenant on va traiter de manière plus grave parce qu'il y a des implications quand même d'inégalité de genre qui ne sont pas juste un jeu en tant que tel. Donc c'est toujours assez surprenant d'entendre ce genre d'archives, mais aussi parce que là en fait cette archive permet de soulever ce problème qui est depuis tout à l'heure, en fait on parle d'individus qui auraient des volontés autonomes, rationnel, qui serait parfaitement au courant de ce qui se passe dans la société, qui pourrait l'assumer ou s'en dégager ou l'endosser ou le surjouer. Or, en fait, il faut aussi se dire que le sexe est toujours situé et que on n'est pas tous comme Catherine Robbe-Grier à se dire telle catégorie sexuelle, ok, je prends celle-ci, après je prends celle-ci, et que c'est pas vraiment sous forme ni de choix ni de consentement, mais plutôt aussi, on va dire, de presque de, même pas de nécessité, mais quelque chose qu'on ne questionne pas en fait. Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et d'intérêt pour Catherine Robbe-Grier et son alter ego, donc son nom de scène qui est Jeanne Delage. Mais on voit bien dans cet extrait que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle raconte, puisque on voit bien qu'au fond, elle était la soumise d'Alain Robbe-Grier, qui était ce grand auteur, etc., qui était plus âgé qu'elle, que en accord avec lui, elle est devenue une dominatrice qui allait lui raconter par le menu tous les détails des scènes sexuelles qu'elle allait faire avec d'autres hommes qui eux-mêmes étaient des admirateurs d'Alain Robbe-Grier et qui en fait décidaient de ce qu'ils voulaient que la femme d'Alain Robbe-Grier leur fasse. C'est beaucoup plus compliqué que de dire bah non, on est juste lui et moi dans une scène. Alain Robbe-Grier est toujours là en fait. Et sa figure est toujours là, et c'est l'homme écrivain puissant, et donc je dis pas du tout que ça veut dire qu'elle est pas maîtresse d'elle-même, etc. Je ne le pense pas. Je pense que c'est une femme très impressionnante, mais c'est compliqué. On voit que c'est compliqué en termes de normes de genre, et que là il y a plein de niveaux de dynamique qui se superposent, et ça je pense que c'est très important parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a eu une sorte de... C'est devenu mainstream, le BDSM et le kink en général. Donc le fait en partie d'ailleurs à cause de Fifty Shades of Grey. C'est-à-dire que c'est devenu normalisé, c'est plutôt une contre-culture. C'est quelque chose de presque une manière de faire du sexe. Oui, après c'est compliqué parce que pour les gens de la communauté BDSM qui, eux, se tiennent à des réflexions très développées sur comment le consentement fonctionne, ils ont des acronymes, on est avec des valeurs différentes, comment on évalue le risque, etc. Donc eux, ils sont un petit peu fâchés que des gens en vanille se mettent à avoir les mêmes pratiques qu'eux sans faire l'effort d'éducation au consentement qui est fondamental, qui est le pilier central de la communauté BDSM. Mais la conséquence, c'est qu'on voit comment le BDSM peut être utilisé à des fins très problématique, et notamment comment l'intuition morale assez positive qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du BDSM peut être utilisée pour justifier par exemple des violences de genre. Mais parce que le problème aussi, c'est qu'on envisage uniquement le consentement là à partir du BDSM, puisque c'est la même problématique, hein, on le voit bien. Est-ce que consentir, c'est dire oui librement, ou est-ce que c'est finalement rejouer des normes inégalitaires sans forcément en être conscient? Et c'est la même chose dans le BDSM, mais c'est que depuis tout à l'heure, on pense en fait à des individus dont la volonté serait à peu près, on va dire, parfaite. Ils seraient parfaitement autonomes. C'est-à-dire que là, on écarte toute dimension sociale, de genre, et on s'appuie pas sur l'idée que peut-être dans le sexe, peut-être que pour certaines choses, et ça se pose d'ailleurs pour le cas dans le cas de la prostitution, est-ce qu'en fait cette conception libérale d'un individu autonome et rationnel peut prévaloir quand on parle de sexualité, ou est-ce qu'il faut envisager une autre conception de l'individu qui relèverait peut-être plus de l'autonomie, et où là en fait il y a une idée de dignité, et certains actes ne sont pas concevables pour un individu? Oui, alors je pense que c'est intéressant de replacer cette question-là dans le cadre du problème du libre arbitre en philosophie. En gros, le problème du libre arbitre, c'est de dire nous sommes à la fois des êtres déterminés par des lois sociales, par des lois naturelles, etc. Donc, d'un certain côté, on pourrait dire on ne fait rien qui ne soit pas prévisible, qui ne soit pas déterminé. Et d'un autre côté, on a l'intuition que on a une forme de liberté. Eh bien, c'est un peu pareil dans la sexualité. D'un côté, les normes de genre, les normes de ce qu'est le sexe acceptable, etc., dans une société, déterminent nos sexualités, déterminent nos désirs et déterminent même nos plaisirs. Et d'un autre côté, on voit bien que on a une autonomie, on voudrait avoir la liberté, on voudrait avoir d'un côté la liberté de faire certaines choses, d'explorer certaines choses, et ensuite être libre de ne pas se voir imposer une sexualité qu'on ne veut pas, etc. Donc la tension de l'autonomie sexuelle, elle est entre la protection de notre intégrité, le fait d'être protégé contre des assauts, des violences sexuelles qu'on ne veut pas, et d'un autre côté, l'autonomie, la liberté de choisir des choses, d'expérimenter des choses. Mais le problème, c'est que comment vous faites pour savoir si ce que vous allez essayer va vous plaire? Et comment vous faites pour vous protéger contre ce qu'il peut y avoir de terrible si vous faites des pratiques sexuelles qui vraiment vous ne vous vont pas du tout, en fait? Et c'est ça qui est important pour tout le monde. Mais est-ce qu'il ne faut pas renoncer à l'idée de se prémunir? C'est-à-dire, quand je dis prémunir, c'est-à-dire que je ne dis pas, en gros, qu'il ne faut jamais être dans la prévention. Mais par contre, quand on commence quelque chose qu'on ne connaît pas, de fait, on a le droit de ne pas aimer ça, le droit d'arrêter. Mais on a aussi le droit de se dire qu'on s'est trompé et qu'on s'est trompé sur le moment et qu'on ne voudra plus le refaire. Mais qu'il y a quand même cette part-là où on a souffert. Et que cette part-là de souffrance est irréductible à partir du moment où on était d'accord pour faire quelque chose comme du BDSM qui nous a pas plu finalement, et se dire mais voilà, mais on peut pas en fait revenir en arrière sur le fait qu'on était d'accord. Ah oui, mais alors là vous posez une question qui à laquelle je tiens particulièrement, parce que je pense qu'il y a une idée reçue sur les féministes parfois consistant à dire en fait il y a des femmes qui portent plainte pour viol, c'est juste que rétrospectivement elles n'avaient pas aimé ouais. Ou que elles avaient trop bu et que le lendemain elles étaient gênées d'avoir pas fait les choses comme il fallait ou d'avoir couché avec un type qui sobre ne leur plaît plus du tout. Mais en fait, il y a une distinction fondamentale entre le moment où vous vous rendez compte que oula, ça me fait mal, pas d'une façon que j'aime bien et je veux que ça s'arrête, et le problème de est-ce que le fait que je veux que ça s'arrête fait que ça s'arrête. Et c'est ça le problème du consentement et ce sur quoi le BDSM essaye d'intervenir avec les mots d'alerte, c'est que... Et vous, avec la thèse, avec l'idée d'une conversation, de pouvoir se parler, de pouvoir se dire les choses, peut-être avec d'autres mots, peut-être d'une autre manière, de manière plus légère? Oui, mais parce que la raison pour laquelle je parle de conversation plutôt que de, je sais pas, parler de sexe, c'est que pour qu'il y ait conversation, il faut qu'il y ait réception. Et le problème majeur, c'est que les hommes sont socialisés, en tant que groupe social, à ne pas écouter le désir des femmes et à ne pas agir en fonction de ce que les femmes leur disent, de leur désir et de leur plaisir. Et qu'ils sont socialisés à penser qu'ils ont droit au corps des femmes. Et on voit ça dans la communauté BDSM. Il y a eu une énorme conversation au début des années 2000 parce qu'il est devenu clair que souvent, des hommes allaient au-delà du mot d'alerte, continuaient. Et il y a même eu un cas à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, d'un cas d'homme qui est allé au-delà du mot d'alerte, a continué à... Et donc, ça devient de la torture. Et la question, c'est pourquoi les hommes ne s'arrêtent pas? Pourquoi quand on dit non, ça n'est pas entendu? Et pourquoi il faut juste se contenter de ne... On ne peut juste rien dire ou à peine dire un oui quand on est d'accord, quoi? Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'une conversation, c'est qu'il y a besoin que les deux partenaires du rapport sexuel écoutent ce que leur dit l'autre et agissent en fonction de ce que leur dit l'autre. Et donc le problème, c'est pas... Évidemment, c'est inévitable que si vous essayez des choses, elles peuvent ne pas vous plaire. Mais là où ça devient plus que ça ne m'a pas plu, c'est ça ne m'a pas plu, j'ai montré que ça me plaisait pas et il a continué. Et c'est là qu'il y a viol, qu'il y a violence sexuelle et qu'il y a un problème de genre parce qu'il y a un problème de réception du consentement. Alors je vais être aidée d'une archive de Michel Foucault pour vous poser la question suivante, mais ça concerne justement cette part d'aliénation en nous dans le consentement. Je dirais que la sexualité a été inventée. Bon, je veux dire, cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature ? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même ? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela ? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. C'était donc la voix de Michel Foucault, ce qui me permet de vous poser cette dernière question, Manon Garcia. Est-ce qu'on peut véritablement démêler ce qui relève en nous d'une véritable liberté et ce qui relève en nous de l'aliénation ? N'y a-t-il pas toujours, notamment ce qui concerne le sexe, une part d'assujettissement ? Et comment en fait faire avec cette part d'assujettissement au lieu de penser qu'on pourrait s'en libérer ? Eh bien, évidemment qu'il y a toujours une part d'assujettissement, mais je pense que dans la conversation et dans une certaine attitude morale où nous prenons en compte la vulnérabilité différente de nos partenaires et la nôtre et la façon dont nous devons écouter nos partenaires, parler à nos partenaires, etc., il y a un moyen de prendre en compte cet assujettissement, de voir que le sexe est politique et ça c'est vraiment très important. Le sexe est politique, nos désirs sont politiques, nos plaisirs sont politiques. Vous voulez dire par là qu'ils sont assujettis, comme le dit Foucault, à des discours autour de la sexualité dans la société. Voilà, on ne désire pas naturellement des choses, il n'y a pas de plaisir naturel, de désir naturel, tout ça est le produit de notre société, de la valorisation, de la soumission féminine, de la domination masculine, etc. Et c'est en se parlant de manière respectueuse, en s'écoutant de manière respectueuse et en construisant un vocabulaire commun qu'on peut apprendre à se connaître, apprendre à se penser comme des sujets à la fois autonomes et assujettis et pour autant des sujets de plaisir. Merci beaucoup Manon Garcia, merci d'être partie du BDSM, et d'aller jusqu'au consentement qui constitue tout le sens de votre livre, tout le propos de votre livre, La conversation des sexes, philosophie du consentement, c'est paru aux éditions Flammarion. On n'est pas soumise, on le devient, c'est un autre de vos livres aussi disponible aux éditions Flammarion. Vous avez aussi fait la préface de la biographie de Kate Kirkpatrick, Devenir Beauvoir, la force de la volonté, c'est aux éditions Flammarion également. Flammarion à tout prix, mais non, il reste aussi un autre livre que j'ai plaisir à citer. Philosophie féministe, patriarcat, savoir, justice, texte clé de philosophie féministe. Ce sont des textes que vous avez réunis et introduits et c'est aux éditions Vrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Child in the dark comes and bells, your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Fancies, chase the costumes she shall wear. Vous écoutez France Culture, il est 10h et bientôt 54 minutes et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Quelle peine ne peut-on pas tolérer ? Il y a dans l'existence humaine, et j'allais dire sur la planète Terre, une quantité infinie de souffrances. Il y a ce que certains ont appelé tout le malheur ou toute la misère du monde. Et il est sans doute impossible de tenir compte de toute la souffrance de la Terre, de tenir compte de toute la misère du monde. Cela pose un problème moral, un problème humain, un problème politique, bien sûr, et on a l'impression, là aussi, que les bras nous en tombent, et que, pourtant, il y a une connexion entre cette quantité de souffrance et notre existence même sur sur la planète comme dans un passage sidérant d'un spectacle récent, Fraternité Conte Fantastique, où l'on voit comment la souffrance des cœurs humains peut ralentir le mouvement même de l'univers et que peut-être il y a une connexion entre cette misère du monde et le mouvement même des planètes. Mais sans aller jusqu'à cette hypothèse cosmique, il faut bien, malgré tout, résister à tout le malheur du monde. On ne peut pas le prendre intégralement, quantitativement, toutes les peines. Mais peut-être faut-il considérer certaines peines comme étant absolument inadmissibles, mettre des limites à la peine, en tout cas infligée par les humains, et se marquer des limites absolues à défaut d'éradiquer le malheur de l'univers. Je donnerai ici deux ou trois exemples qui définissent finalement la condition humaine. La première, c'est bien sûr l'abolition de la peine de mort. La peine de mort était déjà pensée par certains comme une limite d'ailleurs. Face à un crime horrible, au lieu de se déchaîner dans une violence infinie, on pensait la mort comme encore un équilibre, un peu comme dans la loi du talion, un mort pour une mort et un œil pour un œil, une dent pour une dent. Mais on s'aperçoit que ce supposé progrès est encore un déchaînement infini de violence, cache un désir infini de peine, que les humains veulent s'infliger des souffrances encore plus dures, faire souffrir jusque dans la mort, la peine de mort ne suffisant jamais tout à fait à ceux dont la cruauté veut aller jusque-là. La limite donc doit être en deçà, parce qu'en plus la peine de mort touche à l'absolu, l'erreur judiciaire est irrattrapable, et seul ceux qui croient à une transcendance justifient la peine de mort. Paradoxalement, souvent, ceux qui croient à la vie éternelle ne sont pas gênés par la question de la peine de mort. Mais au contraire, peut-être y a-t-il une définition de l'humain à travers l'abolition de la peine de mort, le fait de vivre avec cette limite absolue et de comprendre que nos peines ne sont pas toutes rattrapables dans ce cercle infini de la vengeance. Le deuxième exemple, c'est les peines infligées aux animaux, aux autres êtres vivants. Elles sont peut-être inévitables dans certains cas, mais il faut s'inviter tout ce qui est cruauté et tout ce qui est mépris de cette question même de la peine, par exemple dans l'élevage industriel. Un troisième exemple dans la santé publique, c'est d'éviter tout ce qui est évitable, les morts évitables, les souffrances évitables. La dimension temporelle est ici très profonde. Bien sûr, on ne pourra peut-être pas empêcher tout, mais tout ce qu'on peut empêcher, on doit l'empêcher, notamment entre les humains. Il ne faut donc pas prétendre enlever toutes les peines depuis la surface de la Terre, qui est une vallée de larmes et notre condition de vivant, mais définir pour les humains certaines peines intolérables, certaines peines inadmissibles, notamment quand on les inflige délibérément, comme dans le droit qu'on dit justement pénal, celui qui inflige des peines, et le respect de ses limites, le respect de ses interdits est toujours possible. C'est ce qui définit la condition véritablement humaine. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Salle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Antoine Ravon, Adèle Van Rett, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la prise de son et Florent... Ah non, à la réalisation, Laurence Malonda, pardon, et Florent Bujon à la prise de son et Bernard Gabé à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission ou réécouter cette émission sur le BDSM, et celle d'ailleurs, toute celle qu'on a fait sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série et dès lundi au programme, ce sera le management. Socrate est-il le premier théoricien du management ? Sommes-nous tous en burn-out ? Parlez-vous entreprise ou encore Simone Veil, pensez en travaillant. À lundi, ça donc c'est pour lundi. Bon week-end et à lundi. Thank you.